streets. Les mots sont une force que la raison a saisie. Utilisons-les comme des armes en passant par le plaisir. Si la vie n'était que l'être, les poètes seraient des rois. Si la vie n'était que note, je respirerais avec ma voix. Je vise la lune car j'ai souvent la tête dans les étoiles. Je veux connaître les recoins du succès, tu y trouveras mes toiles. Je veux vivre de mes rimes comme on peut vivre de sentiments. Je veux chanter à en toucher comme le sourire d'un enfant. Laissons couler le flot de langue sur un morceau de papier. La réussite est un bassin auquel tout le monde n'a pas pied. Le futur a lieu seulement si l'on n'ignore pas son passé. Et si je devais tout expliquer, je vous dirais que c'est parce que j'ai bossé, brossé, poncé mes rimes posées terriblement sans même pioncer, foncer sans baisser les bras, sans poser, sans entrave. J'ai causé, passé des nuits à exposer mes pensées jusqu'en exploser. J'ai osé, j'ai creusé au plus profond du fossé pour donner à mon rêve une chance de faire partie des vôtres. Pour montrer à ceux qui m'ont taclé que j'ai marqué sur la faute, que j'ai bien pris mon élan pour les shooter en plein dans le mille. Que mes textes marquent parce que mes rimes sont indélébiles. En traversant le mur du son, j'y ai laissé du sang. Comme un glaçon, je fonds devant le côté chaleureux des gens. Je suis enfermé dans une prison de textes et de thèmes. Je zigzague entre les mots avec cette douleur que je traîne. Mon voyage est long, donc je m'hydrate avec la langue de Molière. Je me nourris de mes joies, de mes peines et de mes colères. Chaque larme qui coule marque un peu chaque jour mon histoire. Chaque sourire qui se libère marque un peu plus ma victoire. Le fond sonore est un langage qui dégage une émotion. Et toute sincérité d'un artiste donne une âme au son. Une rime écrite est une réussite et non un essai. Pour me justifier, je me permettrai de vous dire que c'est parce que j'ai posé, brossé, poncé mes rimes posées terriblement sans même pioncer, foncer sans baisser les bras, sans poser, sans entrave. J'ai causé, passé des nuits à exposer mes pensées jusqu'en exploser. J'ai osé, j'ai creusé au plus profond du fossé pour donner à mon rêve une chance de faire partie des vôtres. Pour montrer à ceux qui m'ont taclé que j'ai marqué sur la faute, que j'ai bien pris mon élan pour les shooter en plein dans le mille. Que mes textes marquent parce que mes rimes sont indélébiles. J'écris la nuit pour que mes morceaux naissent sous une bonne étoile. Pour que mes pensées m'aident à ouvrir les yeux pour tomber le voile face à l'ignorance. J'ai enfin fini par me trouver sur le contrat de la paix avec soi. J'ai signé, lu et approuvé. Je ne saurais décrire cette envie de m'évader, cette reconnaissance et cet amour qui ne cesse de me flatter. Chaque matin je me lève dans l'espoir de ne pas décevoir. J'aspire au respect de chacun comme tu peux l'apercevoir. Je m'inspire de la réalité pour rédiger. Entre dans mon univers pour que je puisse t'infliger. L'amour que j'ai pour ma passion, je veux la partager. Si un jour je vis mon rêve, je t'expliquerai que c'est parce que j'ai bossé, brossé, poncé mes rimes posées terriblement sans même pioncer, foncer sans baisser les bras.